écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Il a reçu. Ça, il me dit. Il a reçu le nom que je lui ai tenu. C'est le chigéno et adoré. C'est mon cahier, c'est mon il cahier. A reçu non. Ce n'est pas ton cahier. Quand je voulais mon cahier. Maintenant, mon enfant, c'est lui, Philippe. Alors, je. Nom. Il a reçu le nom. Oh, reçu. De ton nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Oh, oh. Adorons Jésus, élevons son nom. Oui, adorons Jésus, élevons son nom. Oui, adorons Jésus, élevons son nom. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Il m'a sauvé, c'est lui qui m'a racheté. Oui, Dieu est bon, mon Dieu est bon. Oh, mon Dieu est bon. Papa Yahvé est bon. Oh, il m'a sauvé, alléluia, de tout péché. Celui qui m'a racheté, je chante qu'il est bon. Dieu est bon pour toi, et il est bon pour moi. Je vais te faire

Nous allons voir, Seigneur, que nous sommes sous une doctrine, que ces gens puissent être pour nous, Seigneur, que les Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Oh, merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour ta gloire, merci pour ta miséricorde, merci pour ce que tu comprends pour ce soir, Papa. Merci pour ce temps, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que toute la gloire te revienne pour ce que tu fais. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce soir, Papa. Merci pour ce temps précieux. Oh, merci, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Quel amour pour ton peuple, Seigneur. Quel amour pour ton peuple, Seigneur. Quel amour pour ton peuple. Quel amour pour ton peuple. Quel amour pour ton peuple, Seigneur. Quel amour pour ton peuple. Oh, merci, Seigneur. C'est toi seul qui peux faire ces choses. C'est toi seul qui peux accomplir cette œuvre. C'est toi seul qui peux réaliser cette œuvre, Seigneur. C'est toi seul, nous ne pouvons pas. C'est toi seul qui a permis cela. C'est toi qui as prévu pour pas avoir la fondation du monde. C'est toi qui as prévu ce moment, Seigneur. Tu les as pris, tu les as arrachés, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Pour cette gloire ce soir, encore, Papa, nous te confions tout notre cœur, notre âme, notre esprit, Seigneur. Afin que toi, qui es notre Créateur, tu ne purifies ta bataille, Seigneur. Enlève ces tâches, Papa, avant que tu viennes nous arrêter. C'est pourquoi nous prions que ce soir, mon Dieu, afin que ta gloire et ta miséricorde nous précèdent dans toutes choses, Seigneur. Remplis-nous encore, mon Dieu, mon roi. Remplis-nous. Que l'œuvre que tu as commencé, Seigneur, au milieu de nous, que tu l'achèves, que tu la performes, Seigneur, que tu la portes, Seigneur, afin que nous soyons ces lumières, nous soyons ces pieds précieux pour toi, Seigneur. Nous voulons marcher pour toi, Seigneur. Remplis encore notre désir à toi, notre désir à ta parole, Papa, la foi en toi, Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi encore dans nos vies. Papa, manifeste-toi encore dans nos vies, Seigneur. Enlève toutes les tâches que nous avons reçues du monde, mon Dieu, mon roi. Toutes les compréhensions des choses que nous avons reçues du monde, Seigneur. Et toi, nous davantage, afin que nous puissions marcher sous ton contrôle, sous ta lumière, et soyons des choses comme toi, tu le vois, Seigneur. Enlève à nous tout esprit de chair, mon Dieu, mon roi. Tout esprit d'incompréhension, mon Dieu, mon roi. Et donne-nous, Papa, cette lumière que tu es. C'est nous, tu rocher, c'est pour plus. C'est toi, notre rocher. C'est toi, notre porte. C'est toi, notre sacrifice. C'est toi notre berger, c'est toi notre sauveur, c'est toi notre maître, c'est toi qui es rabbi, c'est toi qui es l'ami de Dieu, c'est toi qui es le fils de David, Papa, c'est toi qui es le Dieu éternel, c'est toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est toi qui es le Dieu de Moïse, le Dieu de David, Seigneur, c'est toi qui es le Dieu de Paul, le Dieu de Pierre, Seigneur, et c'est toi qui es le même Dieu pour nous, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci, Papa, l'homme de Galilée, nous te disons merci, le Saint des Saints, le Saint d'Israël. Le Saint des Jeux, Papa, le roi, Papa, c'est toi le roi, c'est le roi de nos vies, le roi de notre cœur, Seigneur. Que tu diras encore pour ce que tu fais. Regarde ton œuvre, regarde ton église, regarde ce que tu produis, regarde comment tu rejoins, Papa, tu rejoins tes enfants. Regarde notre Dieu, ce que tu fais au milieu de nous. Regarde comment tu as regroupé ton peuple, Seigneur, de tout horizon. Regarde comment tu nous as assemblés encore ce soir. Comment tu es merveilleux. Quel homme pouvait le faire, Seigneur? Quel homme pouvait faire ce que tu fais ce soir encore, Seigneur? Quel homme pouvait faire ce que tu as fait d'accomplir cette semaine, Seigneur? Quel est cet homme qui lève le doigt? S'il y a un homme sur la terre qui peut unir ces hommes, qui peut nous unir ce soir, comme toi tu l'as fait, que cet homme se lève. Et il lève le droit. Il n'existe pas. Il n'existera jamais. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui peut accomplir ces choses. C'est toi, malgré nos différences, Seigneur, malgré nos incompréhensions de chair, Seigneur, mais tu parviens à nous amener à l'unité de la foi, à avoir l'amour pour toi. Parce que toi, tu as manifesté cet amour dans nos cœurs. C'est pourquoi nous te prions encore ce soir, afin que tu sois élevé au-dessus de toutes ces choses, que tu sois élevé au-dessus de nos pensées, que tu sois élevé au-dessus de nos projets, que tu sois élevé au-dessus de nos ambitions, que tu sois élevé au-dessus de notre manière de voir, que tu sois encore élevé au-dessus de chacune des choses de notre cœur. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci pour ton amour pour nous. Merci pour les enfants que tu nous as accordés. Merci encore pour ces ventres que tu as ouverts ce soir. Merci pour ces enfants que tu as accordés à ces couples qui pleurent. Merci, Papa, pour ces enfants que tu as accordés, pour ces couples qui pleurent, Papa. Merci, Papa, de nous avoir utilisés encore ce soir pour prier pour les souffrances, pour les soeurs, Seigneur. Ouvre encore ces ventres afin qu'ils expérimentent aussi ce bonheur de père, ce bonheur de mère, Papa. Nous te prions ce soir de ne pas nous quitter. Nous ne voulons pas te lâcher, Jésus. Tu ne peux pas partir sans nous bénir. Tu ne peux pas partir ce soir sans nous bénir, Seigneur. Tu ne peux pas partir ce soir sans nous bénir, Seigneur. Tu ne peux pas partir sans ce soir sans nous bénir, Seigneur. Tu ne peux pas partir, Seigneur, sans nous bénir. Nous n'avons pas laissé ta robe, Seigneur, ces enfants, laisse-les, Seigneur, dans ces enfants, Papa, pardon. Pardonne-nous tout ce que nous avons de mal à nous. Pardonne tout ce que nous avons de mal à nous. Mais Seigneur, ne nous quitte pas sans nous bénir encore ce soir. Nous voulons te connaître. Nous voulons te connaître, Jésus. Nous voulons t'expérimenter, Seigneur. Nous voulons te connaître, Seigneur. Nous avons entendu parler de toi. Mais chacun de nous veut t'expérimenter, Seigneur. C'est la prière de ce soir encore, Papa. C'est pourquoi tu nous as réunis dans ce jeûne, afin que nous puissions expérimenter la puissance de cet esprit. Chacun veut te connaître individuellement, Seigneur. Nous voulons te connaître individuellement, Seigneur, afin que nous ne soyons plus trimballés à bout de vent, Seigneur, de doctrine en doctrine. Nous voulons t'expérimenter personnellement, individuellement, Jésus. Tu es le Jésus de la croix.

Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Allemand de la sainteté, bonsoir. C'est par ces paroles dont le Seigneur Jésus a dit à ses disciples de tenir ferme jusqu'à la manifestation de la promesse donnée par le Père. Et il déclare dans ses dires, sa promesse ne peut pas tarder, sa promesse ne peut pas se déchoir, mais nous avons à garder ses commandements. Seigneur, tes enfants prient et soupirent après toi. Nous prions au Dieu de gloire et je veux me prier au leur avec tous ceux-là qui soupirent devant toi jour et nuit, afin que tu nous oins, comme tu l'as dit, pour cette heure périlleuse, cette heure dangereuse de l'histoire de l'Église. Ô Dieu de gloire, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Et ta capacité, Seigneur, œuvre en nous dans ce corps des mortels. Voilà pourquoi nous soupirons maintenant avec les frères, afin que tu accomplisses ta promesse dans nos vies. Que ta parole s'accomplisse, Père de gloire. Allemagne dans la sainteté, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à notre bien-aimé frère Étienne. La sœur Carole Châtelon, bonsoir. Bonsoir, frère. Comment vous allez? Bien par la grâce de Dieu. Je suis entré dans votre onction et me sens bien, tout comme vous vous sentiez. Amen, frère. Amen. Amen. Le frère Serge. Amen. Le frère Serge Nato, bonsoir. Bonsoir, frère Guillaume. On ne voit pas ta vidéo. Bon. La sœur Francine Eleonore, bonsoir. La sœur Madeleine Chimène, bonsoir. Bonsoir, couple déjà. Bonsoir, notre frère bien-aimé, frère Josué. Bonsoir également à notre bien-frère Richard Prise. Bonsoir. Shalom, frère. Bonsoir. La sœur Rosalie, bonsoir. Bonsoir à notre... Je crois que la sœur Rosalie, là, son micro doit être fermé. Bonsoir à notre sœur Albertine. Bonsoir, frère Julien. Bonsoir, frère Julien. La sœur José Perret, bonsoir. Bonsoir, frère. Bonsoir, Shalom. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur... Le frère Valérie, bonsoir. Bonsoir, frère Julien, bonsoir. Malgré la distance, malgré les embouteillages, j'ai tenu que je vais me connecter aujourd'hui pour travailler avec vous, pour qu'on puisse travailler. Et j'espère que vous n'êtes pas fatigué. Amen. Alors, j'ai passé par ici et puis je me proposais à dire seulement quelque chose par rapport à l'époque que nous sommes en train de vivre et ce qui nous attend. Parce qu'une chose est de savoir si. C'est de savoir lire les Saintes Écritures. Une autre chose, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Une autre chose, c'est de comprendre ce qui arrive. Et pour la compréhension de ce qui arrive dans le futur, nous essayons tant bien que mal de part et d'autre de tâtonner dans les prophéties bibliques avec les événements, tout en les mettant, en essayant d'aligner de façon chronologique. Mais bien souvent, déceler ce que Dieu est en train de faire est la bête noire de chacune des personnes qui lit cette Bible-ci. C'est souvent difficile de savoir dans quelle époque nous vivons. Et ce que Dieu est en train de faire, c'est-à-dire quoi? Quel est son programme maintenant? Alors je passais par chez vous ce soir pour dire, même s'il y a le froid, pour dire exactement ce par quoi nous sommes en train de nous préparer. Nous sommes en train d'amorcer une phase terrible de l'histoire de l'humanité qui va amener beaucoup de désastres et beaucoup de désordres. Et ce désordre-ci, c'est pour amener un nouveau ordre qui sera sur la scène, prophétisé dans les Saintes Écritures et dont les amateurs de ces choses-là ont construit cela depuis la première déclaration à l'issue du 11 septembre, où ils ont mis la machine en place pour mettre cela. Et de l'autre côté, donc, le Seigneur se prépare donc à déverser la dernière pluie sur ses saints en vue de les rassembler pour le grenier. Voilà donc l'enjeu. Voilà donc l'enjeu. Voilà l'enjeu qui est devant nous. Voilà l'enjeu. Quelle époque périlleuse. Quelle mission dangereuse. Dans cette époque, c'est de vivre sans l'Esprit de Dieu. De s'aventurer sans l'Esprit de Dieu. Parce que Satan sortira des challengers avec son esprit. Ou un de son esprit durant ce moment, c'est pour challenger ceux qui s'affirment appeler les chrétiens. Voilà. Le Seigneur Jésus-Christ, donc, dans ce texte de Luc, Jean chapitre 14 et Acte chapitre 1 que je venais de lire tout à l'heure, les versets 12 ou verset 28. Et dans Acte chapitre 1, verset 4, 5, 6 et 7 jusqu'au 8. Les disciples se sont mis à demander au Seigneur si les prophéties bibliques par rapport à sa venue étaient déjà passées. Normalement, tu es censé être roi. Il est écrit dans les Saintes Écritures que tu dois naître à Jérusalem, à Bethléem, mais que tu dois gouverner sur Israël. Mais te voici mort et ressuscité. Tu n'es jamais allé dans un palais. Qu'advient-il du royaume d'Israël? Est-ce à ce moment que tu rétabliras le royaume d'Israël? Le Seigneur a dit, votre moment n'est pas de comprendre, votre problème n'est pas de comprendre les temps et les circonstances et les moments que Dieu a fixé sa propre autorité. Donc le temps ne nous appartient pas. Le maître des temps et des circonstances contrôle les temps, contrôle les circonstances. Pour vous, vous avez à vivre ce qui est destiné pour vous, dit-il. Pour vous, vous recevrez la puissance. Votre rôle dans cet état des choses, c'est de recevoir la puissance du Saint-Esprit et témoigner. Point. Sonder et connaître les époques, ce n'est pas votre affaire. Pour vous, ce n'est pas de savoir quand est-ce que le royaume va venir, quand est-ce que vivez juste le royaume. Permettez que l'auteur du royaume vous utilise, tout simplement, dit-il. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais au verset 4 et 5, il dit, attendez à Jérusalem. C'est sur ce que veut baser donc l'exhortation de ce soir. L'exhortation de ce soir dans l'attente de la manifestation. Dans l'attente de la manifestation. C'est de ça dont je veux parler. Dans le livre de Luc, donc, au chapitre 24, si vous prenez les quatre derniers versets de Luc, chapitre 24, après que... bonsoir à notre bien-aimé qui se trouve là-bas derrière, la sœur Jackie. La sœur Jackie, bonsoir. Puisse les soupirs qui se trouvent dans le cœur là se manifester pour l'église aussi. Que Dieu vous bénisse, les saints, que Dieu vous bénisse. Je suis fier d'avoir des frères et des sœurs comme ça, comme vous, dans le monde entier. Malgré les inimitiés créées par l'ennemi, malgré les voies de recours qu'il utilise de part et d'autre avec des événements pour nous tirailler dans le monde, pour nous tirailler dans la chair, nous tenons debout par le Saint-Esprit. Et cette œuvre extérieure du Saint-Esprit se manifestera à l'intérieur. Il nous rendra inébranlables à l'issue de ceci. Parce que tout ceci sont des épreuves d'entraînement. C'est un peu comme vous passez un concours de recrutement militaire et on vous manœuvre avec les exercices. Le but de l'exercice n'est pas de vous tuer. L'exercice, c'est qu'on gagne en aptitude physique. Ici donc, c'est l'aptitude physique et spirituelle. Parce que ceux qui se seront préparés dans ces choses, c'est les événements périlleux. Les événements dangereux, frères bien-aimés, nous attendent devant. Et vous allez remarquer, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens vont faire ce qu'on appelle en anglais backslide. Ils vont régresser. Parce que c'est le moment donc des tamis. Ce sont ces événements qui vont amener le tamis. Parce que dans ces événements-là, il s'agit d'une guerre spirituelle qu'on va s'engager spirituellement. C'est uniquement ceux qui se seront préparés spirituellement qui pourront en traverser. Ça, c'est de façon universelle. Aucun continent n'en échappera. Aucun. Voilà donc le programme. Et donc Dieu donc déploiera de la même façon son esprit dans tous les endroits où ses enfants l'invoquent. Voilà le programme, mes frères. Voilà le programme. Pour pouvoir tenir face à ces choses, parce que souvenez-vous, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. des lois, il y aura les démonstrations contre les gouvernants, des lois qui vont pouvoir pousser les gens à bout. Mais pour que les chrétiens puissent vivre exactement avec les regards fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ, il va falloir l'Esprit. Et l'Esprit donc viendra pour challenger. Attendez que ce jeune homme se présente en Europe. Attendez-le, il arrive. Ce jeune homme charismatique. Vous dites, Emmanuel Macron est charismatique. C'est le prémisse de la jeunesse de cet homme-ci. Je l'ai surveillé en Sarkozy, surveillé en Macron. Et le voilà qui arrive maintenant. L'Europe avec son président. Attendez-le, vous allez entendre le discours dans le palais de Strasbourg bientôt. Vous allez l'entendre parler des multiples langues. Dit ça, son discours est traduit encore en d'autres langues. Vous dites, ce jeune monsieur est perspicace, alors qu'il est sous la couverture de Lucifer. Il arrive, votre président. Alors maintenant, où est-ce que l'église est en train de se diriger avec cet état de cause? C'est le test donc de la manifestation. Je crois que lorsque j'étais en Europe, en Italie, la dernière fois, je parlais de cette chute de cet homme-ci qui est en blanc, qui va aller à l'hôpital, et puis c'est le grand pape et l'autre pape. Donc voilà les événements qui sont devant de nous. Il y a la secousse des fondations du monde. Parce que le bras armé de Satan est en train de passer entre les mains de la jeunesse. Et vous allez voir effectivement que de la même façon comme Dieu est en train de faire dans le monde entier avec les jeunes, de la même façon Satan de faire, vous pouvez voir la même chose se positionner. Que ce soit parmi les panafricains, vous allez voir des jeunes virulents qui sont en train de discuter et tenailler même les professeurs d'économie, les professeurs d'histoire, démontrant tout ce qu'ils font faire, la jeunesse. Ça se trouve là-bas. Les pépiniers, ils se trouvent. Vous allez dans n'importe quelle situation, vous voyez que les jeunes sont en train d'exceller. Voilà le signe pour montrer effectivement un renouvellement et la mise en place d'un système parce qu'il va les utiliser pour longtemps, parce qu'avec la force de la jeunesse, ils seront virulents. Voilà ce qu'il en est. Donc, ne perdez pas de vue la politique qui se passe chez vous. Ne perdez pas de vue la politique qui se passe en Afrique parce que là se trouvent les dieux égyptiens qui vont venir sur la scène pour corroborer tout ce qui se passe en Europe en réalité. Donc, c'est Satan qui a réuni toutes ses armées. De l'autre côté, le Seigneur. Vous avez lu le livre de Joël chapitre 2 de cette armée là qui vont venir et qui vont monter dans les murs, n'est-ce pas? Voilà, le Seigneur prépare ses saintes armées. Ils sont dissimulés partout. Le moment viendra, il donnera de ses ordres par le Saint-Esprit et ils vont commencer la marche. Parce que avec ces puissances étrangères qui seront manifestées sur la terre, il faudra l'autorité puissante du Seigneur pour tenir. Et donc vous voyez que sans Saint-Esprit, on ne peut pas avancer. Leur don où on est dubitatif vis-à-vis de la parole, leur don où on marque deux pas devant, trois en arrière, quatre en arrière. Et on passe le temps à dire, la Bible n'est pas, ce n'est pas encore pour le moment, l'heure est arrivée, que chacun doit prendre sa place. Le Seigneur Jésus-Christ veut que l'Église se prépare à préparer son intérieur afin qu'il puisse s'y tabernacler de la bonne façon. C'est ce que le Seigneur veut. Il veut tabernacler. Non seulement tabernacler, il y a des vêtements qui seront distribués, les vêtements spéciaux. Pour les autres, c'est le vêtement du salut. Pour les autres, c'est le vêtement de délivrance. Pour les autres, c'est le vêtement pour le combat. Pour les autres, c'est le manteau pour la prophétie. Pour les autres, les différents manteaux. Et donc, cela sera donné afin que l'armée du Seigneur soit au complet. Et là, on va comprendre effectivement ce que ce verset, c'est Éphésiens chapitre 6. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Si dans les lieux célestes se trouvent les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes, et malgré toutes ces catégories-là, la terre n'a pas encore reçu son châtiment. Vous devez comprendre que l'heure où on va les relâcher est arrivée. Il faudra tenir par l'esprit. On ne tient pas contre un tout simplement en bavardant, en versant le sang de Jésus-Christ avec la récitation. Il faut qu'il y ait une autorité spirituelle donnée. Dieu veut rester dans son nom au milieu de son peuple. Alors sans le Saint-Esprit, on ne pourra pas tenir. Et cela arrive. Voilà pourquoi, frères bien-aimés, je vous encourage et je nous encourage à demeurer ferme, priant avec ferveur de la manifestation. La Bible déclare dans Actes apôtres chapitre 1 dans le verset 14 que lorsque les Pierre et les apôtres sont montés dans la chambre, ils persévéraient dans la prière. Ils sont tout simplement restés là dans la présence du Seigneur. Dans la présence du Seigneur, la Bible déclare un moment donné. Ils n'ont pas programmé. Personne n'a programmé quand ceci descendrait. Ils savaient tout simplement que la promesse leur avait été donnée d'attendre. Ils sont allés dans l'attente. Et dans l'attente, ils priaient. Dans l'attente, ils persévéraient. Et quand ils persévéraient, la Bible déclare, frère, écoutez bien ce mot, tout à coup. Tout à coup, subitement, donc tout à coup. Et quand tout à coup commence, Dieu ne prévient pas, il est seulement en action. Quand vous allez entendre, en tout cas, j'ai vu l'esprit descendre sur l'église parce que ça grognait en haut, comme un torrent qui est sur le point de rompre une barrière. Quand ça va descendre, vous allez croire peut-être que c'est vous-même que vous êtes devenu dingue. Vrai, ça arrive. La torpeur, la froideur, la tiédeur. que nous avions autrefois va cesser. Parce que ce qu'on appelle en anglais boldness, je ne sais pas comment vous appelez ça en français, quand ça sera l'audacité, quand cette audacité-là tombera sur nous, dans les trains et les bus, là où vous ne vous tairez pas, je crois qu'on va vous amener dans la. Je ne sais pas comment vous appelez votre police, là, la police ici. Vous irez là-bas. Et donc vous allez savoir effectivement que votre bouche proclamera la gloire du Seigneur. La Bible sera rendue vivante pour les chrétiens, pour ceux donc qui pensaient que c'est un livre obsolète, datant d'une certaine époque et dont les mécanismes et les méandres de tout ceci passent d'une certaine époque, comprendront maintenant que celui qui l'a fait est vivant. C'est celui qui a dit, une fois de plus, j'embranlerai encore les cieux. Une fois cette parole, une fois de plus, dit la Bible, veut dire que les choses qui sont maintenant sont passagères. Dans le moment arrivé, on va challenger la terre. Le Seigneur va effrayer la terre. Et ça, par la visitation, des simples mortels comme nous. Ne vous considérez pas qu'il faut que vous soyez un grand pasteur, que non. C'est justement un cœur disposé. Dans le verset 15 du chapitre 14 que je viens de lire, le verset Jean, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et puis il continue au verset 16, et moi j'ai prié le Père, et vous enverrez notre consolateur. Tout simplement, gardons le commandement et attendons la promesse du Père, dit-il. Alors, et moi j'ai prié le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Je parle donc dans l'attente de cela. Dans l'attente de cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demeurer dans la prière, sonder ses voies, éloigner ce qu'il faut éloigner. Surtout enlever la désobéissance. Parce que la désobéissance, c'est l'un des points forts qui éloigne le Saint-Esprit de nous pour nous visiter. La désobéissance. Si l'Église n'avait pas été dans Babylone depuis longtemps, on se serait dans l'enlèvement. Mais justement parce que l'Église se trouve enfuie dans Babylone, Dieu prend le temps de tailler, nettoyer, envoie les trompettes pour saigner, secouer, afin qu'on puisse sortir de Babylone. Lorsqu'on sort de Babylone maintenant, il commence le processus de déchirure des manteaux de Chinéa. Sinon, l'ennemi se sera au milieu de nous et nous ne pourrons pas aller combattre. Nous perdrons 36 membres comme le fit Israël. Parce que ceux qui sont allés au combat, ils ont touché ce qui est interdit et gardé au milieu de l'assaut, au milieu du peuple. On ne peut pas garder des manteaux de Chinéa, des choses dévouées par interdit au milieu de nous et espérer une victoire de la part du Seigneur. Le Seigneur permettra que l'ennemi combat contre nous. Et donc on ne peut pas combattre avec l'ennemi tout en étant son manteau, en ayant son manteau. Alors, le péché d'Akan doit quitter le milieu chrétien. Tout manteau de Chinéa, ce nouveau Chinéa, c'est la principauté de Babylone. Cette onction de Babylone. On doit quitter toute onction qui est de Chinéa et s'accaparer maintenant du manteau de la délivrance, tel que prophétise dans le livre du prophète Isaïe, qui va nous revêtir des manteaux de délivrance. Ce manteau dont des saluts dont il va nous donner. Et avec ce salut dont se trouve incorporé toutes les grâces de la croix. Dans l'attente donc de cette manifestation, qu'est-ce que nous devons faire? Sondons nos voies, recherchons nos voies et retournons à l'Éternel, dit le prophète. Que le méchant abandonne sa méchanceté et que l'homme pervers enlève sa perversité. Purifions-nous, dit-il dans le livre de Jérémie, chapitre 4, 5 et 6. Jérusalem, purifie ton cœur de mal. On purifie notre cœur de mal. Ce qu'on sait, on peut se débarrasser, on s'en débarrasse. L'heure du raisonnement ne sonnera plus comme cela. Parce qu'en réalité, quand cette vague se passe, quand on sera derrière, vous allez entendre cette parole de prophétie arriver. Ah, comment faire pour avoir l'onction? C'est le temps d'aller acheter ta part. Il n'y aura plus de temps pour cela. La Bible déclare que plus tard, cette vierge, quand elles sont allées faire la même chose, ce processus qui est mis en place, suivons-le tout simplement parce que c'est bénéfique pour nous, parce que c'est le canevas donné pour obtenir l'huile. Parce que la Bible déclare que les vierges étaient toutes endormies. Toutes sont endormies. Et ceux qui se disent réveillés et réveillés, la Bible déclare que toutes seront endormies. Mais la différence se fera au niveau de l'huile. Lorsque la trompette va sonner, montez. La Bible déclare que c'est cette huile-là, à cause de cette huile-là qu'on pourra monter. Et à cet instant-là, il n'y a plus rien à faire. C'est le moment donc de se réveiller. Dans cette préparation donc, église, dans cette préparation donc, frère, dans cette préparation, dans cette attente, demeurons fermes avant ayant les regards fixés sur Jésus. Il a dit, je prierai le Père et il vous enverrai un autre consolateur. Beaucoup de mensonges donc, ont été distillés au courant du siècle. Beaucoup de personnes ont appartenu au milieu religieux, croyant qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Parce qu'on leur a enseigné le mensonge, parce qu'on a perdu de vue le mécanisme, sinon la façon, ou mieux encore le tracé ou le canevas que Dieu a donné pour son esprit. On croyait que le Saint-Esprit, écoutez bien le nom, Saint-Esprit est juste un bout de pain où on distribue n'importe comment. Puis-je rappeler que dans Actes des Apôtres chapitre 8, les Samaritains ont reçu la parole. On crut au Seigneur Jésus-Christ. Mais la Bible déclare qu'il n'était descendu sur aucun d'eux le Saint-Esprit. Il a fallu que les apôtres viennent prier pour, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Dit la Bible parce qu'aucun Saint-Esprit n'était descendu sur eux. Pourtant, ils avaient cru. Pourtant, ils avaient été baptisés du Saint-Esprit. Pourtant, ils avaient été sauvés à cet instant. Mais il fallait que le Saint-Esprit vienne tabernacle. Au point où Simon, qui était le magicien, pouvait témoigner qu'à cet instant, le Saint-Esprit donne à telle personne, telle personne, telle personne. Donc il voulait en participer. Alors le Saint-Esprit n'est pas une utopie ou bien quelque chose d'abstrait, de façon physique, qu'on ne puisse pas savoir. Il est abstrait en tant qu'esprit, mais manifestable par ses œuvres. Donc, le carnaval est donné dans les Saintes Écritures. L'information, vous avez reçu le Saint-Esprit, vous devrez savoir en étant sûr que vous l'avez reçu effectivement, parce que vous pouvez voir ses effets et ses œuvres. Si tel n'est pas le cas, vous devez le chercher. Dans le livre de Luc, donc, au chapitre 24, le Seigneur Jésus dit dans les 4 derniers versets, il dit, attendez dans la ville, dans l'attente. Attendez dans la ville. Attendez dans la ville. Attendez dans la ville. Quand vous lisez la version anglaise de cela, vous recevez une cognée encore dans votre cœur. La façon que la version anglaise met cela. Attendez. Attendez. Maintenant, si les apôtres à cet instant-là entendaient, oh, il faut qu'on passe sauver le monde. Jésus, on croyait là tout ce secret. La dernière fois, nous avions chassé des démons. On avait même guéri les gens. On a purifié les malades. Le Seigneur savait que la bataille qui est devant, on a besoin du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il a dit, je ne vous laissez pas au feu. C'est le Saint-Esprit qui commande et dirige l'église. Sans le Saint-Esprit, on ne peut absolument rien. Parce qu'il s'agit d'une bataille spirituelle pour amener les âmes et non les chairs à Dieu. Et donc le Seigneur dit que quand l'Esprit viendra, il vous conduira. Donc il est le conducteur principal de l'église. Sinon, l'unique conducteur de l'église. Et donc sans lui, on ne peut absolument rien faire, ni connaître aucune direction. Puisque les apôtres qui l'avaient, voulaient aller dans telle ou telle direction, c'est le Saint-Esprit qui ne le permettait pas et permettait qu'ils allaient n'importe où. Maintenant, si nous ne l'avons pas, que dire si le Seigneur veut que nous nous dirigeons tous en Afghanistan pour prêcher aux musulmans et que nous serons ici maintenant en train de prier? Nous serons en désobéissance tout en priant le Dieu que nous pensons prier. D'où la nécessité d'être en communion avec le Saint-Esprit. Il est question donc que l'Église cherche la présence de Dieu parce qu'on a beaucoup parlé de Dieu, on a beaucoup de discours sur Dieu, on a beaucoup philosophé sur Dieu. Sans que Dieu ne passe le temps lui-même en entrant en action pour expliquer qui il est. On a du mal à expliquer avec notre intelligence, avec le mécanisme. La parole est prêchée, dite de façon claire, alignée. Jusque-là, les gens ne peuvent pas croire. Les gens discutent, les gens amènent des philosophies. Pourquoi? Parce que l'esprit de la vérité n'y est pas présent. Quand il est là, il met tout le monde d'accord et éloigne celui qui doit éloigner. Donc le moment de Tami est en train d'arriver, voulais-je dire. Le moment de Tami est en train de vouloir arriver. Alors, préparons-nous. Si notre cœur n'est pas droit devant le Seigneur, dites, Seigneur, tu connais mon cœur. Je suis hypocrite. Traitez cela avec lui en secret. Seigneur, je suis attaché par telle chose, par tel péché. Je suis désobéissant à tel endroit. Daigne me pardonner. Je te présente mon cœur. Moule mon cœur. Souvenez-vous de ce type de pierre et de ce type de terre. Et puis, ce type de différents types de puits. Remarquez combien de fois la Bible parle de puits depuis la Genèse. Regardez ce que Dieu en dit par rapport à ces puits-là. Nos cœurs donc doivent être examinés dans ses profondeurs, afin que lorsque nous allons marcher devant le Seigneur, que nous ne soyons pas comme la Bible le dit, que notre conscience ne nous culpabilise pas. Parce que si notre cœur nous culpabilise, Dieu est plus grand que notre cœur. Donc le cœur est le témoignage de la paix avec Christ. Si le cœur est en paix et en stabilité, vous êtes dans la voie. Et si vous commettez des fautes, votre cœur sonne des sonnettes d'alarme pour dire quelque chose ne va pas, vous êtes mal à l'aise, sachez que vous êtes aiguisé pour le Saint-Esprit. Votre cœur est préparé pour la voie. Si vous commettez des péchés, vous êtes indifférent. Je crains fort que vous allez encore à labourer votre jachère en profondeur, comme le prophète a dit, le prophète Osée a dit, et le prophète Jérémie a dit dans Jérémie chapitre 4 et chapitre 5, qu'on se laboure une terre nouvelle. Tant que la terre n'est pas frappée au point où ça puisse être s'émietter à recevoir de l'eau pour pouvoir arroser, il faut continuer à raboter tous les mottes, afin que toutes ces grosses terres-là puissent être ramollies, afin que lorsque l'eau tombera, la semence pourra pousser. Me suivez, frère? Donc continuons à frapper avec la parole de part et d'autre. Frappons à gauche, frappons à droite. Faisons-lui passer le bœuf. Ramenons encore au fur et à mesure. Faisons passer le char jusqu'à ce que la terre soit ramollée. Jusqu'à ce que ça permette à l'oxygène d'y entrer. Afin que le cœur soit en règle avec le Seigneur. Quand ce cœur est en règle avec le Seigneur, il ne reste plus qu'arroser. Comme il le dit dans Zacharie au chapitre 10, verset 7, la pluie de l'arrière-saison, ça viendra. Dans l'attente donc, nous devons être à même de comprendre que la promesse arrive. Il l'a promis, il le fera. Si les disciples ne croyaient pas un instant que la promesse viendra, tel que le Seigneur a dit dans Actes chapitre 1 là, alors ils se seraient sortis à aller dire, ah, nous connaissons déjà l'évangile, nous pouvons prêcher, les gens périssent dehors. Gardons-nous à l'esprit que nous ne sommes pas plus amoureux des gens que Dieu qui les a créés. Et nous serons plus efficaces entre ses mains en étant obéissants à lui. C'est pour cela qu'il a dit à ses disciples, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Il n'a pas dit courir rapidement, aller me moissonner. Non. Il a dit, prier le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers à sa moisson. Que dis-je? Ça veut dire, c'est à lui la responsabilité d'envoyer qui il veut à sa moisson. C'est sa moisson. C'est lui qui envoie, c'est lui qui doit envoyer. Quel est notre rôle? Si nous ne connaissons pas, il faut prier. Seigneur, ton œuvre, fais ce que tu dois faire, envoie les gens qu'il doit faire. Pour ma part, je dois amener mes yeux, mon cœur, enlever les poutres qui sont dans mes yeux afin de pouvoir voir. Vous voyez, les gens passent le temps devant le Seigneur pour leur famille et son cas n'est pas encore réglé. Si sa famille dit qu'elle croit aujourd'hui, viens, vous aurez les mêmes difficultés. Il va dire, ah, toi qui es 20 ans dans la foi, c'est même toi qui as la même difficulté. Voilà, on en est. Pourtant, avec l'esprit, nous aiderons les autres à s'en sortir. Vous voyez donc que passer du temps donc pour la prière, c'est la chose la plus évidente, ou mieux encore la plus sérieuse, ou mieux encore la nécessaire que nous devions chercher, c'est la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Si elle est là, tout va s'en suivre automatiquement. Que ce soit dans la direction où tu pourras partir, le style de mari ou bien la femme que tu vas faire, la situation qui se passe dans la famille, n'importe quoi. Vous voyez qu'au lieu de prier pour avoir des choses, pour chercher la solution aux choses, il faut prier, avoir la personne qui sera là chaque fois pour pouvoir décanter la situation. C'est lui. Quand le Seigneur quittait donc la scène, il a dit que voici l'instigateur par excellence. C'est le Saint-Esprit. Il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous annoncera des choses à venir. Bon, alors, comment on cherche les choses à venir sans le Saint-Esprit? C'est lui donc le protagonisme du jeu qu'il faut avoir. Allemand de la sainteté, bonsoir. Bonsoir, frère. Bonsoir. Dans l'attente, donc, ne permettons pas qu'une semence de discorde vienne dans votre cœur pour pouvoir créer des ennuis. Parce que Satan connaît bien quel est ce moment-ci. Il a délégué un groupe pour pouvoir frapper les chrétiens durant ce moment. Troubler les chrétiens durant ce moment. Parce qu'il sait effectivement quel est l'agenda. Il connaît. Mais le problème, c'est que son agenda à lui est inclus dans l'agenda de Dieu. Et le Seigneur fera ce qu'il a décidé de faire sur la terre. La Bible déclare dans ces psaumes-là que notre Dieu, quand il décide en haut, il fait tout ce qu'il veut sur la terre. Et il renverse le dessein des nations. Tout ce que la nation a de faire, Dieu va renverser. Mais c'est son dessein qui va subsister d'éternité en éternité. Et donc, frère, son dessein, c'est de faire descendre la pluie de l'arrière-saison. Pour que ça produise cette herbe-là qui sera gardée, nettoyée pour être mise dans le grenier. Le moment donc de la confrontation arrive sur l'église. Le moment de la confrontation arrive pour l'église. Le moment de la confrontation arrive avec l'église. Le moment de la confrontation avec le monde arrive face à face avec l'église. Donc dans l'attente, travaillons nos cœurs, présentons nos cœurs à Dieu, travaillons-y. Que le découragement ne vous saisit pas. Si après 2 jours, Pierre et Jean avaient dit que ça fait longtemps, on prie, ça ne marche pas, ça ne marcherait pas. Ni 4 jours, ni 5 jours, ni 6 jours, ni 7 jours. Ils ne savaient pas que c'est le 10e jour que ça devait arriver. Mais la Bible déclare tout à coup. Tout à coup. Tout à coup. Puisse tout à coup s'accomplir pour nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Souvenez-vous, je vous aime et je serai toujours à votre service. Quelqu'un a-t-il quelque chose à dire? Parce que c'est que vous êtes fatigué, peut-être que vous avez des programmes pour demain. Il ne faut pas que je vous maintienne pour longtemps. Moi-même, je sors de ma caisse pour prêcher et puis je suis venu vers vous ce soir. Fred, tiens. Yeah. Oui. La sœur Francine Eleonore, la hauteur de cet homme-ci n'est pas normale. Cet homme, c'est qu'il regarde vers toi. Sa hauteur. Elle m'entend là même. Quelqu'un a-t-il quelque chose à dire, mes sœurs, mes frères? Ton micro est fermé, Eleonore. Quel homme? Cette taille, l'homme de cette taille, ce n'est pas normal. Donc, ce n'est pas un être normal. La sœur Marie-Josée Perec, bonsoir. Bonsoir, la sœur. La sœur Rosalie, tu ne m'as toujours pas donné le contact de notre fils qui est musulman. Donc, lui, il a besoin de challenge. Ce qu'il lui faut, c'est le bulldozer du Saint-Esprit. Quand ça va le frapper, il va savoir que Mohamed n'est pas Seigneur. Ma frère, tu as posé une question aujourd'hui en entame, non? Tu ne veux pas parler de ça? Qui ça, mon frère? Il ne sait pas si elle m'entend. Je vous suis, mon ordinateur a des problèmes avec le micro. Ça se branche, ça se débranche, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi c'est branché? Quand il est là. En fait, c'est juste. C'est ton grand détail. Sa taille n'est pas normale. Je ne sais pas de qui il s'agit. Ce n'est pas sa taille dont il est question, c'est la personne qui me dérange. C'est cette personne. C'est pour t'indiquer que ce n'est pas quelqu'un de cette dimension. Donc cette personne qui regarde, sa taille n'est pas normale. C'est la dimension dont se trouve cette personne, d'accord? Ah, ok. Voilà, donc il y a un géant qui contrôle toute votre famille. Voilà. Je crois que c'est dit aussi plus clairement. Tu es au courant de cela? Ouais, je sais. Ok. Je suis sa cible préférée. C'est ta cible préférée. Le voilà, il se place devant toi, devant mon écran maintenant, en se présentant. Qu'est-ce que tu dis là maintenant? Qu'est-ce qu'on fait de lui? Bah, il n'a pas de force de toute façon. Jésus l'a vaincu à la croix, et ça, il le sait. Voilà. Il pouvait me tuer, c'est qu'il m'a tué depuis la naissance, comme il n'a pas réussi. Ils savent tout ce que Jésus a vaincu à la croix, mais ils continuent à nous créer le problème sur la terre ici. On les a dépouillés même. Le frère Richard, comment ça va à la maison? Pardon? Non, on a fini, laisse. Son problème est réglé. Vous allez combattre encore un peu. C'est mon frère Prisola, je sens. Au départ, donc, j'ai expliqué une situation que je vivais ces derniers temps au frère, quoi. Oui. C'est ça que le frère Étienne voulait dire, quoi. Mm. Et c'est pas évident, quoi. Actuellement, si j'ai des moments où je d'absence, je sais pas si tu peux comprendre, que l'esprit te le dit, te le fait comprendre un peu, parce que tu traverses beaucoup de situations actuellement. Je t'avais même écrit dernièrement, parce que c'était comme je voulais te parler avec toi, mais tu as pas eu le temps, mais Dieu tout droit. Pourtant, je suis toujours à votre service. Le service là. Non, tu fais ta maison, frère, c'est comme l'autoroute. C'est fermé. Frère, est-ce que c'est vrai alors? C'est vrai. Tu es en live, ma soeur, parle. Non, je profite. Quand le Seigneur me donne l'occasion de vider mon sac et vide. Vous tous qui nous écoutez sur Bamba Eba, écoutez, vous écoutez l'allemand dans la sainteté, vous pouvez nous contacter si vous êtes en Allemagne et vous souhaitez participer à cet enseignement. Une seule façon de faire, contactez-nous sur Skype, vous envoyez votre pseudo Skype sur Junior, c'est JUNHIORS avec le chiffre 3, et là vous serez joint dans le groupe. Mais souvenez-vous, dans ce groupe, ce n'est pas le groupe pour le Congo, ça, c'est le groupe de la sainteté à outrance, pour ceux qui aiment la parole, qui aiment le Seigneur Jésus et qui veulent vivre d'après sa parole, pas d'après les dogmes humains. Vous pouvez également envoyer et poser toutes vos questions à notre adresse mail. L'adresse mail, c'est Junior, c'est JUNHIORS@yahoo.fr. Vous écrivez également sur WhatsApp par le numéro WhatsApp. L'indicatif du Cameroun, c'est le +237. Deux numéros WhatsApp sont disponibles pour vous pour poser votre question, le 6 75 87 41 21 et le 6 94 01 94 40. Vous ajoutez le 237, c'est l'indicatif du Cameroun, vous serez à bon port pour que je vous réponde à vos questions. Là, c'est le nom, c'était juste un rappel pour ceux qui sont en direct. Tu as la parole. Ok, donc c'est un peu ça, c'est que je vis des moments d'absence actuellement, quoi. Et des songes bizarres, je sais pas quoi dire, je sais pas. Des moments d'absence, ça veut dire que tu avais quelqu'un comme ça et puis subitement tu n'es plus là. Des moments où tu es dans un songe, tu as un corps qui n'est pas normal, je considère ça non, pas normal. Parce que ce n'est pas normal qu'un être humain puisse enlever son corps et poser de côté et enlever les chenilles ou je ne sais pas quoi qui était sur les chaussures. Moi, je suppose que ce n'est pas normal, ça. Ce n'est pas normal qu'un esprit puisse voir son corps et commencer à jouer avec le corps et dire que je comprends pourquoi le Seigneur, par exemple, ne veut pas que l'homme glorifie la chair, parce que la chair sans esprit n'est que... je sais pas comment dire, n'est que la mort, quoi. Donc, toute personne qui glorifie le corps, ce que nous voyons actuellement dans le monde, c'est pas la volonté de Dieu. Nous devons plutôt élever notre esprit. Je ne sais pas si je dis bien les bons mots. Nous devons plutôt chercher à embellir notre esprit, à l'habiller, à le rendre vivifié, à le vivifier par l'Esprit de Dieu, par sa parole, en pratiquant vraiment la parole. Donc, il y a les songes que je vois directement, je ne comprends pas. D'autres, dernièrement encore, j'ai fait un songe où ma peau tombait. J'ai enlevé la peau, ma peau tombait, et à la place de la peau apparaissait quelque chose d'orange. Bah, je me suis levé, j'ai dit, bon, l'autre ici, ça a dépassé. Après, le corps en je ne sais pas, j'ai appelé ça quoi, en bougie. Maintenant, c'est la peau qui tombe, ça devient orange. Et la sœur Pérez, quand elle parlait de ça l'autre jour, elle parlait de ça ici l'autre jour, que son fils, le chat, a mordu son fils dans un songe. Ça m'a rappelé la même chose que j'ai vécu dernièrement, elle m'a parlé d'enfant dans un songe où, oh, mon Dieu, j'ai vu mon enfant vraiment parfois mourir, je sentais son souffle quitter mes mains, j'appelais les gens au secours, personne. Et j'ai vu, il y avait deux vampires qui voulaient sucer le sang de mon enfant. J'ai dit non, pas de mon vivant. Et bon, il y a tellement de choses. Il y a l'autre que la semaine, ça fait peut-être un mois, j'étais ici à la maison. J'ai été réveillée par un songe où je voyais ma soeur accoucher. Je me suis dit, bon, c'est un rêve comme tous les autres. Je rêve trop dans ma vie. Je ne sais même pas quel est mon problème dans la vie. Je suis possédé ou je sais quoi. J'ai déjà prié, ce matin, j'ai fatigué de demander. J'ai fait les jeûnes de prière. I am tired. J'ai seulement négligé. Et puis le lendemain, ma soeur m'appelle, effectivement, elle était en train d'accoucher et elle souffrait. Donc je me suis dit, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Bref, ce que le Seigneur ne veut pas me dire, c'est quel est mon problème. À toute voix, que je dis que je meurs, qu'il m'arrive ce qu'il avait prévu, qu'il m'arrive tout simplement. Ça va, ma soeur Léonore? Wow. Tu permets qu'il dise deux choses. La première chose, c'est qu'il y a une maman qui est âgée dans la famille et qui est vous appelez personne, la personne fait comme si sa tête ne tienne pas. Je crois que tu me permets de mettre ça ainsi. Personne, la principale chose, la personne, c'est pas tellement vulgaire, c'est pas tellement visible, mais la personne bavarde seule. Comme vous voyez, la personne fait. Je ne sais pas si tu me parviens à me comprendre. La personne est lucide. La personne peut bien s'habiller. C'est pas ce style-ci qui va dans les rues pour faire des choses, bien que ça arrive de temps en temps. Cette personne s'habille très bien. Lucide de temps en temps, mais perd le fil. C'est la première chose. Ça, c'est une femme. Elle est âgée. Tu la connais? Une femme âgée, je ne sais pas, dans la famille, je ne suis pas très social dans la famille, donc, à part que le Seigneur me dévoile son nom plus tard, je ne sais pas. C'est une maman, c'est une maman, donc, ça c'est un. Plus tard, je dirai pourquoi ils sont dit, c'est parce que c'est elle lit à toi. La deuxième chose, c'est, as-tu déjà entendu parler de délivrance, quand dans les enseignements, souvent on dit, normalement, si vous êtes passé de un point A, un point B, un point C, il faut nécessairement et absolument la délivrance. Sinon, on aurait accumulé. Donc, tu vois que tu en as besoin, n'est-ce pas? Pas forcément. Il n'y a pas un problème particulier, quoi. Ok. C'est les deux choses que je voulais dire. Ok. Autre chose, ma soeur? Non. S'il y a quelque chose à dire, quelqu'un me dit seulement, parce que là, il a dit, il faut me dire, là je vais méditer quoi, c'est tout ce que je peux véritablement faire à ce niveau. Si c'est les prières, j'avais déjà fait les prières. Si c'est les délivrances, j'étais déjà parti prier. Si c'était quoi, j'ai déjà fait tout ce qu'il fallait faire. Et bon, moi le Seigneur m'avait dit une fois, ne te préoccupe pas des trucs de délivrance parce que j'en avais fait beaucoup. Il m'a dit, entre juste dans le royaume, entre dans la parole pratique là et elle fera tout le reste. Ma part, c'est comme ça quoi. Oui, parfait. Très génial. Oui, ma soeur. Oui. Pardon, excuse-moi. Pardon, frère Junior. Comme je suis là, hein, oui. Moi aussi, cherche ma délivrance. Ma soeur, frère Junior, tu vas vraiment m'excuser. Ma soeur, là où frère Junior est là, tu devais seulement dire que frère, comment je peux faire pour te rencontrer? Pour faire la délivrance. Ici, là, il n'y a pas de que. Non, comment tu dis ça? Elle n'a pas besoin de ça. Elle a déjà fait ça. Non. Pourquoi je t'ai coupé? Frère, tu vas m'excuser, hein? Ce n'est pas que je te néglige. Non. Non, ce n'est pas. et néglige. Là, nous sommes vraiment frères et sœurs. Parce que je vais te dire quelque chose, on va me dire que moi je suis bavard. Si déjà nous venons avec nos raisonnements, moi aussi j'étais dedans et je suis toujours dedans aussi. Mais ce qui est avec moi, même si je dis, après je dis, oh mon frère, délivre-moi seulement. Parce que les gens qui ont appris beaucoup là, vous allez vraiment m'excuser si j'utilise le mot là. Vous allez amener les raisonnements, l'intelligence va rentrer dedans. Nous sommes en train de parler dans le spirituel maintenant. Et le spirituel est très dangereux. Tu as vu Junior, comme tu dis là, pour lui voir. Il te dit, ma soeur, je vais te parler. Ma soeur, je ne suis pas comme Junior, il veut couper ça là. Tu as besoin de la délivrance. Moi-même, j'en ai besoin. Je pleure jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ma soeur, ne te fâche pas. Nous tous, on est là pour pleurer. Moi-même, je pleure jusqu'au jour d'aujourd'hui là. Je pleure comme ça, comme tu me vois là. Je pleure, je viens de loin. Je ne sais pas si tu as suivi. Le soir, j'étais même la dernière personne. Parce que tu vas m'excuser, ma soeur, ne va pas à gauche à droite. Je te dis, tu ne connais pas Junior. Moi, j'ai même son message. Comme j'entendais pour qu'il finisse d'abord, je peux même lui dire ça devant tout le monde. Dis une fois, ma mère, dis une fois. Les gens sont en train de guetter. Parce que quoi? Toi, tu viens dépouiller les ténèbres dans les profondeurs des choses. Après encore, quand j'ai fini d'écouter ça, la voix a dit qu'ils ne lui feront rien. Ne vous inquiétez pas, il m'a averti des attaques que j'aurai. Et il a dit que je n'en parle point. Donc j'attends tout simplement. D'accord, ma soeur? Ingénieur, oui. Je voulais ajouter un peu quelque chose pour notre sœur Francine. C'est la sœur Rosalie. La sœur Rosalie, comment? Ma sœur Francine, que le Seigneur vraiment te fasse grâce, que tu te rendes vraiment compte dans quel combat tu es. Parce que nous nous réunissons vraiment souvent et je vais ouvrir mon cœur pour te dire que tu as toujours tendance à refuser tout ce qui est du Seigneur. Ça veut dire la main du Seigneur et ce que le Seigneur peut faire pour ta vie. Donc tu mets, comme maman Albertine venait de dire, les raisonnements. Ce n'est pas le moment de mettre l'intellectualisme, non bien les raisonnements. Il s'agit de ta vie et ta vie spirituelle. Je reste moi là-bas. Tu nous as expliqué les choses par lesquelles tu traverses. Si ma soeur dit que tu n'as pas besoin de la délivrance, ça ne vient pas de toi. C'est ton ennemi qui ne veut pas que tu sois libéré. C'est tout ce que je voulais ajouter, ma bien-aimée. Allô? Oui, mon frère. Oui, en principe, c'est que la soeur nous a déjà parlé plusieurs fois de cet nombre de choses. Et je crois que d'une certaine manière, on lui a déjà fait comprendre que elle a besoin de délivrance. Parce qu'il y a un certain nombre de choses que quand on vit et qu'on ne contrôle pas, ça ne peut être que quelque chose qui a une influence sur ta vie. Et il n'y a aucune porte à être délivrée. Le Seigneur Jésus-Christ avait fait cette promesse que ses enfants vont le servir dans la sainteté et dans la pureté. Avant de le servir, il va les délivrer de leurs ennemis et de ceux qui les haïssent. C'est une promesse du Seigneur. Parce que nous ne pouvons pas servir le Seigneur et bénéficier de ses grâces et avancer dans la sainteté, dans la pureté, si on a un problème quelconque spirituel. On va voir qu'on avance, mais on va toujours reculer. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on sorte de la captivité. Et il n'y a aucune honte à le dire. Je crois que plusieurs fois on t'en a parlé d'une certaine manière. Mais il faut que tu ressentes le besoin de dire que j'ai besoin d'aide. C'est là que c'est plus facile parce qu'on ne peut pas forcer une personne à prier pour elle pour qu'elle soit délivrée. Mais quand des choses anormales se passent en toi, toi tu dois pouvoir savoir qu'il y a quelque chose d'anormal. Je pense que nous avons vu ça de certains frères qui ont donné des témoignages que il y a des choses que je vois anormales. Je savais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne pouvais pas m'aider moi-même. Il fallait que l'aide me vienne d'autres personnes. Et c'est ça le corps. C'est ça le corps. Dans le corps, les membres ont différentes fonctions. Différentes fonctions. Parmi nous, il y a ceux-là qui ont été délivrés ici. Et aujourd'hui, ils peuvent témoigner que leur vie spirituelle est meilleure qu'avant, quand ils essayaient seulement d'être chrétiens. Donc quand nous sommes là, nous sommes dans l'église. Nous sommes là pour nous parfaire. Nous sommes là pour chercher le Seigneur. Et comme le frère a dit bien à l'entrée, ces moments que nous passons, il y a différents buts qui atteignent. Il y a ceux-là qui vont remplir Saint-Esprit. Il y a ceux-là qui vont recevoir certaines grâces pour manifester dons spirituels. Il y a ceux-là qui vont délivrer de leurs ennemis. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur va accomplir. Et il faut que chacun puisse savoir le besoin qui est prioritaire pendant ce temps-là. Parce que là, quand tu disais pourquoi aujourd'hui j'ai tenu à ce qu'on ouvre les caméras. Je ne sais pas, mais je sens que mon esprit, il faut qu'on ouvre les caméras. Et toi-même, quand on est entré, tu as dit qu'on était en train de poser la dernière fois. Et après, directement, tu es parti. Tu sais seulement le couloir. Et entre le temps où tu es parti et le temps où tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé entre temps. Et une sœur a dit là qu'elle a senti ça dans l'esprit qu'il y avait quelque chose qui se passait. En fait, elle fait. Je pense que peut-être me fait mal comprendre. Si je n'avais pas besoin d'aide, je ne partagerais même pas mes vies personnelles avec vous, quoi. Si je partage avec vous, c'est exactement dans une solution, à la recherche d'une solution. Et si l'esprit va commencer à me dire que j'ai besoin de délivrance, bah, qu'il fasse comme il veut, tout simplement. C'est pas que j'ai dit que je suis contre la délivrance ou quoi que ce soit. Mais ce que j'ai en fait, c'est est-ce qu'il doit te délivrer, qu'il te délivre tout simplement et c'est fini. Sinon, je ne vous en aurais même jamais parlé, quoi. Même ma mère, il y a beaucoup de gens de ma famille, ils ne sont même pas au courant de tout ce que je vis. C'est pas juste parce que je vous considère comme des frères et je dis, si quelqu'un, si j'ai un mal, je vais partager avec vous. Si quelqu'un peut me proposer une solution directement, on met la solution et c'est tout. Pas que les choses qu'on me programme encore, là. Non, ça, je dois être honnête, là. J'aime un moment... C'est bon quoi, j'ai les nerfs flous, c'est pas évident quoi, c'est pas évident d'avoir une si pourrie, une misérable vie depuis que tu es née, que tu ne comprends rien. Ça va aller ma soeur, d'accord. Pas comme si je n'avais pas encore plus Seigneur, la soeur Francine. Seigneur, donne-moi la solution. La soeur Francine. Non, c'est pas ça. La c'est un Francine. Moment où j'en ai marre quoi. La soeur Francine. Je meurs le monde quoi. La soeur Francine. La soeur Francine, tu ne dois pas baisser les bras, d'accord. Nous sommes là pour toi, d'accord. La soeur Francine, allô ma soeur, allô ma soeur, je suis ton frère, d'accord, je suis là, ils ne te vaincront point, d'accord, c'est pour ça que le Seigneur t'a envoyé ici, regarde-moi ici, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai rien fait dans ma vie. De quoi que ce soit. J'ai pleuré de mon tonton chaque jour. Chaque jour que tu as pleuré. N'est-ce pas le moment d'être soulagé de cela maintenant? J'ai pleuré de mon tonton. Tu as tourné ta face derrière moi. Tu as tourné ta face. Sa présence seulement brise les cèdres. Sa présence fait enfanter les biches. Sa présence fait sécher les torrents de Bazan. Sa présence seule. Il suffit qu'il parle. Ma soeur Eleonore, ma soeur Francine, On peut prier alors. Quelqu'un voulait parler ici tout à l'heure. Le frère Priso, il est où? Oui, allô. Oui, tu voulais parler, mon frère. Oui, j'étais en train de... Juste pour continuer dans la même lancée, tu disais que personne ne peut arracher la brebis du Seigneur entre ses mains. Ça, c'est déjà une garantie à 100%. C'est-à-dire qu'une brebis du Seigneur, personne ne peut l'arracher. Et puis, j'ai dit au début que Francine, la soeur, elle est la mieux placée pour connaître sa situation que nous tous à distance. Donc, besoin de délivrance, on peut le comprendre. Mais maintenant, il y a la maturité aussi de comprendre certaines choses. Parce que si quelqu'un ne voit pas encore à distance, ben, tu peux chasser un, et puis c'est plus dangereux entre. Donc il faut d'abord que la personne puisse comprendre certaines dimensions des choses. Et ceci, ça va d'une manière progressive. Parce qu'il y a tellement de nettoyage qu'on doit faire dans nos vies, dans nos cœurs, moi-même aussi. Mais quand tu as déclaré, par exemple, que oui, voilà, tu as besoin de ça maintenant, ou bien tu as besoin de ça après, le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Ce qui est sûr, c'est qu'elle connaît sa situation mieux que nous tous. Et encore, le Seigneur est au-dessus de toutes choses. Si le Seigneur est au milieu de nous, ça veut dire qu'il connaît ces situations-là. Dans l'intimité, nous prions. Nous connaissons le problème de la sœur. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle a dit. Nous écoutons aussi dans les enseignements. Ce n'est pas seulement le dimanche, lorsque on se réunit, mais aussi dans d'autres réunions de femmes et tout, on écoute. Donc, par conséquent, le Seigneur met aussi dans notre cœur des sujets de prière pour les uns et pour les autres. Mais laissons le Seigneur agir et laissons le Seigneur faire comprendre. Parce qu'on a souvent l'impression que nous voulons anticiper quand peut-être la personne n'est pas mûre pour comprendre. Parce que si la personne n'est pas mûre pour comprendre, tu lui dis qu'il y a une délivrance. La délivrance, c'est au niveau du cœur. C'est là-bas où ça commence. Tu ne vas pas administrer même le monde. C'est peut-être pas un exemple approprié, mais même le monde interdit d'administrer les soins médicaux à quelqu'un contre son gré. C'est-à-dire que la délivrance, c'est quand cette chaîne-là arrive déjà où tu n'en peux plus. Tu sens vraiment qu'on veut te changer la nuit. Toi-même, tu vas courir après la délivrance. Tu vas courir et le Seigneur va disposer les choses pour que ça se passe. Donc, je crois que nous pouvons déjà continuer à prier pour la situation, mais de soutenir la sœur dans cet épreuve. Mais laissons le Seigneur prendre les devants. Et comme le frère aussi est présent ce soir au milieu de nous, bien sûr, c'est encore un sujet que d'autres sœurs et frères vont écouter et eux aussi vont mettre ça en prière. Mais pourvu que la gloire revienne au Seigneur. Parce que le problème, c'est la préparation du cœur. Que le cœur soit disposé à recevoir cette délivrance. Parce que si le cœur n'est pas disposé, on peut sortir 16 plus de champs entre. Amen. Amen. Merci vraiment, frère, pour l'exhortation. Qui a la parole maintenant? C'est Francine, courage, d'accord? Bonsoir, frère. C'est qui? On ne t'entend pas du tout. C'est comme si tu partais, tu étais à Bethlehem, tu as de parler depuis Jérusalem. C'est la soeur Madeleine. Ben voilà. Je disais tantôt que j'avais juste un petit souci. J'aimerais juste savoir ce que je sentis peut-être parce que tout ce dernier temps, je fais des songes où je me recouvre nu. J'ai des vêtements, après tout à coup, je suis nu. Et c'est récurrent. J'aimerais juste savoir pourquoi c'est dû. Il va encore parler aux années, dit maintenant quelque chose. Tu as besoin de délivrance, ma soeur. Après la délivrance, tu vas comprendre qu'effectivement, il y a le vêtement de la délivrance, le vêtement donc du salut. D'accord? D'accord. C'est vrai ça. C'est vrai. Il y a besoin de délivrance. Essayez d'interpréter que l'avocat dans le sens lui dit des choses. Là, clairement, il y a besoin de délivrance. D'accord. D'accord. Voilà. Autre chose, ma soeur. Oui, aussi, j'ai souvent des flashs. Je vois des endroits que je ne connais pas et des personnes que je ne connais pas. Et ça arrive chaque fois. Le flash, tu as l'appareil photo, ma soeur? Non. Tu fais les flashs avec quoi? C'est juste, peut-être je suis en train de marcher ou en train de prier, je vois des faces que je ne connais pas, des endroits que je ne connais pas, des gens ou des personnes que je ne connais pas. Mais si tu n'arrives pas maintenant, c'est pas nouveau, n'est-ce pas? Non, c'est pas nouveau. Ça veut dire que bien longtemps avant ça s'est passé. Oui. Il y a quelque chose également dans la famille. Si je parle maintenant, vous allez me dire, c'est mieux qu'on se repose maintenant, on reste dans la prière, pas vrai? La conclusion, c'est qu'il y a besoin de délivrance. Il ne faut pas que quelque chose vienne interférer sur le don spirituel plus tard, d'accord? D'accord. Merci. Qu'elle te bénisse également et bonsoir à monsieur, d'accord? D'accord. Même quand monsieur voulait que tu parles. Que je parle quoi? Tout ce que je viens de dire là, vous ne connaissez pas déjà. Vous connaissez déjà, n'est-ce pas? Bon, en réalité, on ne connaît absolument rien. On vit juste la situation. Vous vivez tout simplement sans connaître la source ni la cause. Oui. Il y a quelqu'un dans ta famille qui est décédé, qui se faisait représenter encore. Vous voulez qu'il parle seulement maintenant là? Donc il y a un fantôme d'une personne qui est décédée jadis. Tu sais ça? Tu sais ça? Je vois souvent dans mes songes. Comment? Je voyais. Tu dis quoi, ma soeur? Je voyais souvent la personne dans les songes seulement. Mais c'est pas toi seul qui voyais. C'est ça, si tu voyais dans le songe. Il y a la personne arrive de façon spontanée dans des endroits et les gens le connaissent. Donc, mais pour toi, c'est mandat de son. De toute façon, il y a besoin de délivrance, n'est-ce pas, ma soeur? Donc, ça, c'est l'indice seulement pour te dire que okay, tu parlais tout à l'heure, là, il y a matière à savoir où la chose vient, d'où est la source. N'est-ce pas? Oui, en passant, même, je me souviens avant d'arriver ici, j'étais couchée avec ma maman, il y a quelqu'un qui m'a touché. J'ai senti juste une main qui m'a touché, mais je n'ai pas dit, franchement, jusqu'à présent, ça me fraye. Ok. Quand le Saint-Esprit viendra, comme nous avons lu dans le livre de Jean au chapitre 14, il a dit, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Donc lui ne ferait pas sa paix, n'affraie pas. Nous sommes d'accord. Oui. Donc il y a besoin de délivrance. De délivrance. Allemagne à la sainteté, bonne soirée. Oui. La sœur Marie-Josée. Parle-moi. Oui, frère, j'ai une préoccupation là. Oui. La nuit dernière, mon fils m'a réveillé en pleine nuit, de 4h du matin, que le chien l'a mordu. Oui. Le chien l'a mordu, il a foqué le pied. Il était vraiment effrayé. Mais je ne sais pas ce que ça. Non, c'est l'attaque de la sœur. C'est effectivement l'attaque de la. Ça, c'est vraiment de l'attaque. Qu'as-tu fait, ma sœur, en réaction de cela? Et j'ai senti une pression. Et tout à l'heure, là, quand on vient encore, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Donc, mes mains se sont dirigées sur lui quand il dormait. Voilà. Je faisais des gestes comme si j'enlevais quelque chose. Comme le truc qui était pour vrai. Oui. Après nous, maintenant, tu vas effectivement au niveau de ses pieds, tu restes simple. Ses deux pieds, et puis tu pries. D'accord? Ici, ce n'est pas de prier que le Seigneur guérisse. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 57, les versets 14 à 17, les versets 15, 16 et 17 particulièrement, il a dit, si l'on forme de complot contre toi, cela ne viendra pas de moi. Et toute langue qui se livrera en justice contre toi tombera sous ton pouvoir. Et puis de conclure que tel est l'héritage du serviteur de l'Éternel. C'est l'héritage du serviteur de l'Éternel. Quand Dieu va faire la paix, il dit que pour le méchant, il n'y aura point de paix pour le méchant. Mais quand il va faire la paix avec toi, à cet instant-là, tu as une grâce qui te donne de commander. Il dit, toute langue qui se liguera en justice contre toi tombera sous ton pouvoir. Donc, il faut y aller avec cette autorité-là. Tu commandes à tout décret, tout ce qui a été organisé, non seulement dans ta famille. C'est la sœur Marie-Josée qui a de parler comme cela. Dans la famille, ça c'est l'allemand ici, là. Vous m'avez bien eu ce soir, si vous voulez. lorsqu'il y aura l'invitation à faire, vous appelez le, il y a quelqu'un, vous appelez, c'est comme si quelqu'un est décédé, on n'a pas fait son, c'est pas comment vous appelez cela, il y a des rituels, c'est pas comment vous, comment vous mettez cela avec le, la main. Le funérailles. Funérailles, c'est vague, parce que funérailles, c'est pas ça normalement. Bon, mais je crois qu'on peut appeler ça ainsi, parce que mais c'est ça dont il est question. Et cette personnage, c'est comme s'il faut cumuler les funérailles. Les funérailles. Ma soeur m'entend. Je comprends très bien. Il y a des funérailles cumulées. Donc, on ne peut pas faire ceci sans faire l'autre là. C'est ça, bah, c'est quelqu'un. Et il va falloir le rituel. Ce rituel-là, il faut t'en éloigner. D'accord? D'accord, frère. Parce qu'il y a quelque chose qui a de marcher dans la famille pour chercher tout simplement une personne en qui s'incarner. Quand ces choses vont s'incarner sur une personne, on va la, ça va l'envoyer dans le champ. D'accord, on a dû le chercher, ça cherche, ça cherche, ça cherche, ça cherche. Dans le passé, ça a touché quelqu'un et cette personne si a eu les, comme un début de folie. Je ne vois même pas la personne qui s'en est parlé ici, c'est ça. Je comprends bien parce que c'est vrai que mon grand-père qui était mort, il a nommé mon père successeur et mon père ne fait jamais attirer sa chaise. Donc, éloignez, éloigne-toi au maximum de cela. Il faut voir que cet esprit se vous touche. Donc, toutes ces cérémonies qu'on fait pour vous amener dans cette direction-là, n'y va pas. Mais je dis encore, il y a cet esprit qui est en train de poursuivre quelqu'un pour l'attraper. Quand on va l'attraper, on va l'envoyer de l'autre côté là-bas. Il faut t'en éloigner. Dans le moment viendra, on va t'appeler pour dire que tu amènes ta contribution, mais on ne te dira pas la vérité. C'est qu'on va t'appeler pour te dire d'amener la contribution. Ce n'est pas la vérité, c'est pour faire un rituel. Et sur le fait que tu participes, cet esprit te trouvera là-bas. C'est parce que tu dis que tu pries là. Tu auras besoin de prier encore ce moment-là. Ah. Donc, quand je t'en ai parlé, de ton enfant, il dit quand tu vas y arriver, tu arrêtes son pied et puis tu pries avec cette autorité des destructions, des déclarations faites et des messages. Souvenez-vous que lorsque les choses sont envoyées, se projetées par des paroles et des pensées. Quand ces choses viennent vers nous, dans le monde spirituel, c'est, ils ont été envoyés. Donc, ils viennent sur des ordres. Un peu comme on enverrait un policier venir vous faire des perquisitions chez vous. Donc, il vient avec un décret. Et donc, Dieu donne l'autorisation à ses enfants, avec qui il a fait le serment de paix, de détruire toute déclaration, de détruire toute, annuler toute déclaration. Ça, c'est le secret. C'est l'une des choses que le Seigneur veut que j'enseigne après ces jeunes-ci, pour qu'on puisse voir maintenant, pour qu'on puisse entrer deep, profond dans ces promesses, pour pouvoir tenir, parce que ce sont les entraînements lorsque le Saint-Esprit se manifestera au travers des administrations. Il y a des hôtels dans nos familles qui ont été bâtis, qui entretiennent les familles. Il y a des gens qui se sont le haut lieu dans les familles. Dieu va utiliser les gens pour détruire tous ces hauts lieux qui ont tenu les familles captives. Il y a des familles carrément qui ont été tenues dans la captivité de façon générationnelle. Des familles dont les malédictions sont là où les gens marient, se marient, divorcent. Des familles où il y a des gens seulement des maladies ou d'autres ne parviennent pas à se marier. Toutes ces malédictions-là, le Saint-Esprit va traiter avec cela la racine. Et voici donc les choses que nous allons faire là-bas maintenant. C'est par cette déclaration, c'est en commandant par le Saint-Esprit que ces choses soient détruites. Souvenez-vous que quand les choses sont envoyées vers nous contre le mal contre nous, ils sont commissionnés. Donc il y a les paroles qui sont dites pour les commissionner. Et ces paroles-là maintenant, remarquez effectivement comment Job communique avec le Seigneur pour que Dieu lui permette d'aller vers Job. Quand Satan va tenter Job, remarquez quand il vient demander de cribler les disciples. Si le Seigneur dit va, il va avec ses paroles. Donc on annule tout décret qui a été invoqué. Je crois qu'il me fait comprendre. Je crois que si le Seigneur permet dimanche, nous y reviendrons. Si le Seigneur permet. Comme ça, on revient dans ces cas si particulièrement. Parce que beaucoup de choses arrivent. Comme la sœur nous parlait, vous voyez, dans le songe, elle voit sa peau changer. Comment elle enlève elle-même sa peau. Elle ne sait même pas de quoi elle est question. C'est terrible. Et donc là, maintenant, il va falloir lui expliquer ce que c'est. Lui, comment combattre ça. Et grave encore d'où c'est venu. Eleanor est là. Il y a. La sœur Eleanor, elle dort déjà. Non, je ne dors pas. Voilà. Il y a le. Un style de vêtement comme un vêtement traditionnel bleu blanc, bleu blanc, bleu blanc. Tu as vu cela? Mm-hmm. Ceci est sacré parce qu'il y a un queue de cheval. Qu'est-ce que tu en dis? J'en dis que. Comment, maman? Et dans ma famille, je sais pas si tu peux. Je dois parler plus fort. Non, ça s'entrecoupe. Il faut patienter pour que ce réseau. Je ne sais pas si les gens ont le même problème ou c'est chez moi que ça se coupe. Vous l'entendez de façon fluente. Non, frère, ça c'est entre. J'ai tenté de parler de ces choses-ci par rapport à la peau qui s'est devenue là et puis j'ai tenté de parler de ces vêtements-ci. Oui, parle-nous, ma soeur. Je disais que c'est normal, quoi. Chez nous, j'ai même un vêtement que ma mère m'a fait coudre, un cabaret bleu blanc là. Mm-hmm. Et chez nous, mon nom, je porte le nom des jumeaux. Quand mm-hmm. ma mère m'achète toujours les choses, elle m'achète toujours les choses à deux. Je lui ai toujours demandé, mais pourquoi toi tu m'as. Et comme je suis la dernière née. Quoi, c'est Cameroun? C'est chez elle que le caméra, la connexion dérange, ou c'est chez moi que ça dérange? Je sais pas. Frère Étienne, je te vois sur mon écran. Est-ce que toi tu l'entends car elle parle de façon claire? Ça bloque? C'est chez elle que ça bloque ou c'est chez moi? Allô? Je suis là, ça bloque un peu, je crois, mais sinon maintenant ça va. Uh-huh. Okay. Oui, la sœur Francine, tu disais le caban. Bleu blanc, bleu, la particularité c'est que c'est bleu et blanc. Que je suis petite. Oui. C'est pas que c'est aujourd'hui, je le sais dans ma famille. Mm. Personne que si je tombe, j'ai l'impression que toute ma famille va tomber. Mm. Parce que c'est moi qui est toujours en train d'essayer d'assurer l'équilibre. Mm. Tous les problèmes, c'est moi qui est toujours en train de résoudre les problèmes entre le père, la mère, les frères, les soeurs, la famille. Qu'est-ce que le cœur de cheval a à voir dans tout cela? La queue de cheval, pour moi, ça symbolise quoi? La personne qui a le pouvoir dans la famille. Mm. La personne qui... Je ne sais pas si tu comprends un peu. Parce qu'on je vois, c'est tout simplement ce que je vois que j'ai décrit. Et je vois que cela en connexion avec toi. C'est pour ça que j'essaie de comprendre, ou mieux encore de nous, qu'on essaie de creuser pour voir là où on est en train de diriger. D'accord? Ça, c'est pour plus tard. Mm. Mm-hmm. Ces choses, si on les réveille, on ne donne pas ça à quelqu'un pour rien. On ne fait pas ça pour rien. Lorsqu'on le passe à quelqu'un. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai même bien eu à voir ça. Peut-être pendant l'enterrement de ma grand-mère. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Mais je sais que c'est ça que ça représente. Quoi. Ça, c'est ce que je sais que ça représente. Et on n'a pas besoin de me le dire. Moi, je sais que dans ma famille maternelle, même pas aîné quelque part, si je tombe, on m'appelle toujours maman, grand-mère. Mm. Donc si je tombe, c'est toute la famille qui doit tomber. C'est pour ça que je dois être forte pour tout le monde. Mm. Tout le monde. C'est un peu ça. La prochaine fois que je vais parler d'une marque distinctive qui est sur toi. Particulière, d'accord? Marque? Mm-hmm. J'espère que c'est pas sur mon front. Ok. Amen. Alors, moi, dans la sainteté, bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Non, ne parle pas encore, frère. S'il te plaît. Vite, mon frère. Oui, la soeur. La soeur Rosalie. Mais la soeur Rosalie, pourquoi ton micro. Où est mon grand ami Hans? Il est où? Il est en haut? Lors déjà de tout. Ben, tu vas revenir là-bas. On dit que ton garçon de junior là, il me tape sur les nez déjà. Avec votre groupe de secte là. Pardon, donc fais vite, alors tu peux le retrouver, d'accord? Mm-hmm. Mon frère, c'est un rêve aujourd'hui où Dieu était là aussi. Mm. Il était là et il y avait en tout cas, c'était les sœurs et les frères, on était ensemble. Et on était dans un endroit où il y avait beaucoup d'abeilles. Mais ces abeilles-là, pour les femmes, nous avons toujours peur des abeilles. On avait peur, et puis on disait, n'ayez pas peur. Mais ces abeilles-là, ils avaient quelque chose de particulier. Ils faisaient sortir beaucoup de miel. Il y avait des miels partout. Vraiment, il y avait des miels. À chaque endroit où il y avait ces abeilles-là, ce qui a attiré mon attention, c'est les miels. Il y avait du miel, le miel, je ne sais pas ce que ça signifie. Ça tombe bien que tu es là avec nous aujourd'hui. Alors, je ne connais pas la signification, alors je parle de ça. Bon, le miel est mauvais. Le miel est mauvais, ma soeur. C'est très bon, je mange même tous les jours. Mmh. Proverbe chapitre 16, verset 24. Pendant qu'on allait chercher cela, dis-nous encore le rêve. Donc, où nous étions nombreux, il y avait des abeilles. Voilà. Et les abeilles produisaient le miel. Voilà. le miel, vraiment, si les abeilles étaient en haut, le miel tombait, ça coulait comme ça. S'ils étaient dans un endroit comme là où l'eau tombe quand on est dans la douche, il y avait du miel. Vraiment, il y avait que les abeilles et le miel. Bon, au début, les femmes ont eu un peu peur, comme les femmes ont peur des insectes. Et toi, tu nous disais, laissez les abeilles, donc ça ne va rien faire. Donc, tu nous calmais. Et, donc, je voyais que ça faisait sortir des miels. Vraiment, ça ne faisait pas du mal aux gens, ça ne piquait pas, mais c'est les miels qui m'ont impressionné. Ok. Ok. Verset 24 du chapitre 16, qui va le lire alors? Je lis dans ma version. Oui. Les discours agréables sont un rayon de miel, douceur pour l'âme et remède pour le corps. Bon, je crois qu'on va y revenir un dimanche parce que il y a les femmes mariées ici et ainsi de suite, et les hommes mariés. Il ne faut pas que les hommes mariés vont là-bas et les femmes les boudent. Même si vous êtes dans la même salle avec votre femme, c'est super sûr qu'elle est dans la tente. Donc, on va y revenir par rapport à ces messieurs. La seule aurait que le Seigneur te bénisse. Dès écrit ces songes ici et puis tu gardes. Merci Père pour ce qui en est arrivé. La soeur Carole, je suis à ton service. Oui, frère. Mm. Oui, mon bien-aimé. Mm. En fait, en faisant de la vidéo des prières que nous avons eu à avoir ici, il y a eu un message que je me dis jusqu'à présent, on n'a pas décrypté dans le groupe. Je ne sais pas si les uns et les autres en ont parlé. Notre bien-aimé frère Étienne était saisi et il parlait en une langue. Et je ne sais pas si jusqu'à présent, on a parlé encore de ça dans le groupe, quoi. Si on a eu une interprétation quelconque. Moi, je n'étais pas là. La Bible déclare que vous ayez les interprètes. Est-ce que je suis un interprète? Ce que je vois là, je suis en train de les dire. Comme par exemple de ton côté, je suis en train de voir des gens qui sont déchaînés maintenant pour t'oppresser encore. Et il y a la femme, quelqu'un a amené ton nom maintenant au niveau du marabout pour en savoir, en découdre avec toi. Voilà, c'est ce que je suis en train de voir. Ici, il n'y a pas besoin d'interprétation. Mais qui est cette femme? Qu'est-ce que cette femme s'est envie de toi? Il y a quelqu'un qui a amené ton nom maintenant, c'est chez les, vous appelez les marabouts. On a dit qu'on va en découdre avec toi cette fois-ci. Tu sais ça? Mon bien-aimé, je suis habitué à tout ça, non? Donc, comme notre Seigneur était habitué à la souffrance, tu es habitué aux gens qui étaient persécutés chez les marabouts. Ah oui, mon frère. C'est non que la vérité. Mais je sais que le Seigneur Jésus-Christ est là. Donc, vous voyez que chacun aura ses coups bas. Chacun aura sa part de persécution. Et il y a des choses qui vont arriver pour nous tenir en état d'alerte par rapport à ceci. La sœur Marie-Josée, donc, fais attention par rapport à ces appels qui vont te faire pour qu'il y ait contribution dans cette direction-ci. Mais on ne doit pas te dire la vérité. Souviens-toi. On ne doit pas te dire la vérité, ce sera pour cela. Tu auras deux coups de fil. Un qui te propose de contribuer à quelque chose, quelqu'un qui te dira la vérité qu'on n'a pas dit au bout du fil. En ce moment, sache que tu es tendu, le piège est tendu à ta direction. D'accord? Amen. Vous pouvez me permettre maintenant d'aller. Depuis le matin, je n'ai pas vu ma femme. Je peux aller la voir maintenant? Non, Seigneur. Pardon, prie pour moi. Pardon. On a déjà prié. Pardon, dis seulement une parole. C'est ce que tu l'as dit. Ma soeur Albertine. Ma soeur Albertine. Oui. Il y a une alliance qui subsiste venant d'un homme, comme un accord non respecté. Ça, il va falloir en trancher et résoudre ce problème-ci au plus profond. La personne l'a dit encore. Pourquoi tu parles de tuer maintenant? Non, je n'ai pas parlé de tuer, frère Junior. Est-ce qu'on est là encore? Nous-mêmes, on pleure. Comment on va sortir? On va encore aller tuer quelqu'un? Il y a un arrangement. C'est pour demain. Il y a un arrangement par rapport à une situation de l'alliance. Quand il parle de l'alliance, c'est une alliance sacrée. Et puis, qu'est-ce qui arrive par la suite? Il faut regarder ces problèmes et résoudre ça de façon profonde. C'est dans la. C'est dans la famille, non? Il parle de toi, là. Tu as dit qu'il dit quelque chose, non, ma soeur? Oui, ton Dieu, donc, bien dans les détails, hein? Mais l'alliance avec qui? Est-ce qu'avec quelqu'un physiquement ou bien dans le spirituel? Non, c'est pas dans le spirituel. Il y a une assise. On en parle. On parle. Mais au finish, ça ne marche pas. Il y a d'autres. Pourquoi tu cotes pas seulement tout droit, frère Junior, comme ça, James, un assise là. C'est vrai qu'il y a un arrière, mais bon, je pense pas que c'est important aussi. Hein. Un pasteur m'avait quand même dit que on m'avait destiné dans le plan à aller dans la chefferie quand même. Alors, et là, c'est égal. On ne choisit pas son destin dans la vie. Le frère Serge ne te laissons en finir avec ma bêtise. Je lui laisse le temps parce que j'en ai d'entendre les pas dans le. Il y a une forêt. Avec les feuilles sèches. J'ai quelqu'un en train de marcher dans la forêt. C'est pour ça qu'il attend seulement qu'elle parle. Parce que la bêtine parle. Oui, parle, ma soeur. Ça n'a plus fait cela. C'est le frère qui a ouvert son micro. Là où je suis, ici, là, il y a le truc derrière. C'est pas là-bas. Je parle pas là-bas. Laisse là-bas. Je parle de ton pays. Cette personne, ça du marché, laisse les trucs de l'allemand tranquille. L'allemand a sa part de démon. Ça va s'élever bientôt. Vous allez voir les grandes personnes avec cette marque-là sur vous pour poursuivre. C'est pas ça. Il parle de toi, de ce qui s'est passé longtemps là, avant, dans ta jeunesse. Cette personne-ci est choquée. Marbe, tu sais que tu étais très belle, mais de toute façon, tu es toujours belle, n'est-ce pas? Oui, on me disait ça vraiment. Quelqu'un était quitté, mais seulement en me voyant dans la photo pour dire qu'il veut de moi. Et après, quand il est venu, comme c'était les voisins, c'était les voisines, on avait pris les photos ensemble, ils ont amené ça dans leur village. Et un gars est arrivé. Quand il est arrivé, il n'a plus parlé de ça. Il disait seulement que j'étais vu dans la photo, tu es trop belle. Quelque chose comme ça là. Ça s'est fait depuis. Là, j'étais encore jeune. Qu'est-ce que ta photo fait donc dans la forêt? Là où il y a les plantes sèches. Où il y a les feuilles sèches au sol. Qu'est-ce que tu fais donc là-bas? Oh, mon Dieu. Comme tu as déjà dit ça là, frère. Ça, je dis que c'est déjà anéanti. Même s'ils ont amené ça pour ça, qu'ils amènent, ils ont mis. Et Dieu t'a révélé. Le Dieu qui t'a révélé là, Jésus-Christ, comme on parlait là, tu vas aller prendre la photo là, tu n'auras plus leur force qu'ils avaient mis pour travailler avec mon âme. Ça ne se passe pas. Dites amen, ça ne se passe pas comme ça. Oh. Ce n'est pas les gens comme vous dites que donne-moi ça, ils donnent. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Nous n'avons pas à lutter. On n'a pas dit, nous n'avons pas à aller demander comme ça, il donne. Bon, de toute façon, non, on va y revenir. Donc, il y a des gens qui défient dans la forêt avec ton oncle. Le frère Serge Neto, dis-nous alors. Je pas quelque chose de très particulier, bon. Justement, si en fait, quand tu vois quelque chose, n'hésite pas à faire. Bon, je voulais dire que par rapport à... depuis qu'on a commencé le jeûne, le vendredi passé, bon, je vois que la présence du Seigneur était vraiment intense parmi nous. Et il est arrivé que dans la parole, qu'on priait, je tremblais pour là. Et à un moment donné, quand j'ai arrêté, bon, j'ai arrêté de trembler, mais mes pieds ont continué à trembler pendant au moins 11 minutes. Donc, je veux savoir un peu si ça va se finir. C'est moi qui te faisais trembler, frère, j'étais là. Mais ce qui te demande, allons au niveau de ton cœur, quand tu lis la parole, toi, quand tu me dis la parole, comment ça se passe dans ton cœur? Quand tu vois la parole de Dieu, que tu vois le Saint-Esprit attire ton attention sur le verset, quelle est la réaction avec ton cœur? Mon cœur est toujours d'accord avec la parole. Non, je voulais dire, quel est son état? En tout cas, même si tu veux, que tu veux ou pas, même si c'est là où tu as assassiné, si tu fais tuer, tu seras seulement d'accord, parce que même si c'est le mauvais. La question que je demande, c'est quelle est l'attitude, quelle est la réaction? Parce que si tu ouvres ton. ta maison là en allant en ouvrant le frigo, tu vois un serpent qui tend sa tête comme ça, la réaction ne sera pas exactement comme tu tendrais les mains pour prendre le verre. La réaction sera brusque. Il dit, quand tu te mets face à la parole que tu as de méditer, tu découvres des choses que tu ne connaissais pas. Quelle est la réaction de ton cœur par rapport à la parole? Comment le cœur le fait? Il y a toujours une haine de maman. Et j'essaie de découvrir de nouvelles choses qui sont à côté et qu'on ne savait pas. Et quand tu lis, c'est que tu te retrouves avec un passage où le Saint-Esprit te reproche plutôt quelque chose en disant peut-être, tu te rends compte que peut-être tu ne faisais pas sa volonté à une situation donnée. Comment ça réagit? Bon, j'essaie de faire des efforts vraiment de me remettre à l'ordre. Ça, c'est la conduite après avoir lu. Il dit la réaction du cœur. La réaction du cœur. C'est-à-dire que, tu prends par exemple un exemple. La Bible déclare par exemple, honore ton père et ta mère. Il dit c'est un exemple. Et que tu te retrouves devant le verset, tu te rends compte que tu n'honorais pas ton père et ta mère. Comment tu réagis à cela? Comment ton cœur réagit à cet instant quand tu vois la parole? Je te traduis souvent. La Bible déclare dans ce livre des psaumes, le psalmiste dit que mon cœur ne tremble qu'à ta parole. Tu as lu cela dans les Écritures, frère? Que mon cœur ne tremble qu'à ta parole. D'accord? Voilà. Donc, ce que son dit, c'est au niveau du cœur. Tout ce qui a été parcouru, laisse les vagues te parcourir. Quand ça va commencer en électrique, tu comprendras. D'accord? Il faut regarder. La source, c'est dans le cœur. La source, c'est dans le cœur. Donc, maintenant, n'essaie pas de comprendre ce qui est en arrivé, parce que tu ne comprendras pas. C'est que tu vas commencer à me poser la question, quand on met la main sur quelqu'un, d'où est-ce que l'onction passe pour aller guérir quelqu'un? Comment ça se passe ainsi de suite? Laisse que ce que Dieu fait, qu'il fasse en tant que Dieu. Et faisons ce que nous devons faire, d'accord mon frère? Amen. Que le Seigneur bénisse. Frère Junior, pardon, je t'avais posé une question, tu n'as jamais répondu, s'il te plaît. Quelle est la question pour que tu me portes plainte devant l'Assemblée, ma soeur? Quelle est la question que tu avais posée dont je n'ai pas répondu? Par rapport à la grande que je t'avais écrit, qu'elle a fait 2 ans et demi, plus de 2 ans et demi de grossesse. On n'avait jamais vu la grossesse. On disait que c'était les myomes et tout. Mais elle a fini par accoucher une petite fille, plus de 2 ans et demi. Oui, et l'enfant vit normalement. L'enfant vit. Avant que ça ne se passe, j'ai fait des rêves où j'étais en train de combattre à l'entrée de chez nous. Il y avait un bébé qui était moitié humain, moitié démon, qui voulait entrer dans la maison. Tu étais en face de notre maison. En fait, le bébé voulait entrer dans la pièce où j'étais. Donc, il est foudroyé par la puissance du Saint-Esprit. Et il était tout le moment énervé qu'il est reparti. Petit matin, donc, on va dans le message que. Ma grande soeur, elle est là à coucher. Et ça, tu lui as le combat, c'est ce que tu racontes là, tu lui as raconté. Mais il ne veut pas comprendre parce que non, ma mère a dit qu'elle a accouché chez le marabout. Non, je veux seulement savoir est-ce que tu lui as raconté cela, cet état des choses. Oui, j'ai raconté cela, ma mère a seulement fait. Mais si tu as raconté, tu me demandes comment quoi l'homme dans ma soeur. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je veux comprendre le lien. Je veux comprendre si l'enfant est un bébé normal. Parce que après ça, comme ça, tu vas dire que le frère Junior a dit que l'enfant là c'est un démon. Vous êtes dans le même pays. Ma soeur est au pays, frère. Elle est au Cameroun. Voilà, elle est au Cameroun. Toi, tu es là-bas, non? Même si ça rame ici, là, ça te touche là-bas. Laisse-les tranquilles. Nous sommes en train de travailler ici. Pas étonnant que peut-être je n'ai pas répondu à cette requête-là. De façon directe, ça ne te concerne pas. Tu gardes tout simplement le songe, mais tu les as avertis. Tu laisses seulement suivre son cours. Quand ça va commencer, ils verront de quoi il est question, d'accord? Oui, la mère là qui est dans la forêt. Je ne voulais pas demander ça devant tout le monde là. Mais ne demande pas, donc, maman est venue. Ne demande pas alors. Ne demande pas puisque tu ne l'as pas encore fait. Non, je vais te demander, mais pas aujourd'hui. Je sais que tu dois aussi te reposer déjà. Donc, je vais te demander ça à Dieu. Vous voulez que la sœur Grâce va se plaindre encore devant Dieu. Oui, la sœur Rosalie voulait parler aussi tout à l'heure. Là. Non, mon frère, je ne voulais pas parler. C'était seulement pour mon fils, je vais essayer de... Tiens, envoie le commentaire à la soeur Grâce. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur... Oui. Hey, Junior, oui. Je vais demander quelque chose. Je n'ai pas. Ce n'est pas ça. Et un autre jour, ça que j'ai envie de te parler à deux là. Oui. Je vais. Quand tu seras libre, tu me dis ou bien tu m'appelles toi-même, tu me fais. Maman Abetti. Je voulais maintenant. Maman Abetti. Maman Abetti. Hein? Écoute bien, oui. N'est-ce pas? Lorsqu'il y a du sucre quelque part, il y a la présence de la mouche. Lorsqu'il y a du miel, n'importe comment, la mouche y vient parce qu'il y a du sucre. Ce n'est pas le moment que la mouche doit s'approcher de ton sucre, d'accord? Donc fais l'effort de chasser n'importe quelle mouche qui viendra, d'accord? Ce miel-là n'est pas pour n'importe qui. Oui, parle maintenant. J'espère que tu m'as compris maintenant, n'est-ce pas? Je dis bien la prophétie de ça. Et maintenant, tu as bien compris ce que j'ai dit, ma soeur Abetti. Oui. Mais tu sais de quoi je suis en train de parler? Oui, frère, je t'ai compris. Ok. Voilà. Parle-moi de ce que tu voulais parler là maintenant. Je voulais maintenant te demander que. Comment je fais? Comme tu as dit comme ça là. Est-ce que c'est ça que tu voulais demander? Tu voulais demander quelque chose avant qu'il dit comme ça là. Maintenant, tu commences à apprendre sur ce qu'il a dit. Tu voulais dire quelque chose, je t'ai coupé, il dit le sucre ne doit pas être approché du miel, c'est pas le moment. D'accord? Sinon, il y aura de la contagion avec ce que tu es en train de faire. D'accord? Enlève le cœur dans cette direction là. D'accord? Non, je dis. Oui. Je te demandais que, comme tu as dit que quelqu'un a ma photo et marche avec ça. Ok. C'est pas dans la prière. Non, non, ça c'est dans le passé, ça, d'accord? Je veux dire, il t'est ramené dans le passé. Là tu es jeune. D'accord, parce qu'il entend le pas de quelqu'un qui marche sur les feuilles mortes. Ça, c'est les feuilles mortes. D'accord. Et cette personne s'est parlé avec toi. D'accord. C'est ça dont je parle. On va y revenir. On va y revenir. Mais pour le miel, si c'est plus important parce que quelque chose qui va te perturber au point où tu vas laisser la Bible pendant des jours et des mois pour ne plus lire à cause de cela. C'est vrai. Et moi alors, frère. Moi aussi, ça m'intéresse. Ne riez pas. Non, mais tu ne ris pas. Tu as tout dit. Le mariage n'est pas long. Moi aussi, vous posez la question de savoir si c'est ma saison aussi pour le mariage, quoi. S'il ne faut pas que je mette ça de côté, quoi. Je mets d'abord ça de côté. Si les bombes commencent à avoir chez vous, là, vous allez vous marier. Hein. Si les bombes commencent, vous allez vous marier. Quand il y a les bombes, il y a le mariage. Il y a des moments périlleux qui se trouvent au-devant de nous. Je crois que l'heure est à la prière et à la recherche de ceci. Et quoi que j'ai dit tout à l'heure, quand je parlais là, que la plus importante, c'est de saisir. C'est que nous sommes en train de prier. C'est pourquoi nous sommes en train de prier. Puis les directions seront données de part et d'autre. D'accord, ma soeur? De toute façon, pour maman Abetine, c'est de ça. Donc, c'est les questions. Interdit à la mouche de s'approcher à ton miel. Voilà. Allemand de la sainteté. Bonsoir. Oui. Oui, mon bien-aimé frère, tout à l'heure, quand tu parlais de quelqu'un qui allait quelque part avec mon nom, là. En fait, j'ai fait deux songes dernièrement et je demandais la direction au Seigneur, quoi. Et je pense que là, il a vraiment répondu à cela. Alors maintenant, tu as également Ésaïe chapitre 57, versets 14 à 17. Prends cela pour appui et tu nous touches bien cela. Je crois que l'heure arrivée où les gens qui sont dans nos familles et qui sont, vous allez voir des gens que vous ne pouviez pas suspecter que ce sont des sorciers, des gens que vous ne pouvez pas suspecter que cette personne qui est en train de faire du mal. Quand ces choses vont commencer à arriver, quand vous allez commencer à prier, vous serez surpris. Même des gens qui sont dans des églises, vous allez voir. Comment, ma soeur? Justement, c'est ça, parce que le Seigneur est merveilleux. Mais ils seront vaincus. Amen. Moi, je... Oui. Avant que tu parles, ça me revient maintenant. Je voulais poser aussi à tout le monde. Est-ce que c'est possible que quelqu'un qui n'a jamais eu de contact avec l'Afrique puisse avoir un coup de fil de l'Afrique? Un coup de fil de l'Afrique. Ok, la question est posée à tout le monde. Voilà. Mon époux a eu un coup de fil du Congo aujourd'hui, alors qu'il n'a jamais été en contact avec quelqu'un de ma famille. Qu'est-ce qu'il a dit alors? Heureusement, il n'avait pas pris. Parce que son téléphone écrit toujours les pays et la ville. Peut-être c'est le Seigneur qui l'appelle en Afrique pour qu'il vienne commencer le ministère. Allemand, la santé, bonne soirée. Il ne ferait pas dire, vraiment. Par rapport à ce que tu dis là, oh, il y a. Comment, ma soeur? Oui, je voulais juste te dire par rapport à la femme que tu dis là, dans ma famille, il y a une femme qui est marabout, quoi. Non. Dès que c'est dès que tu parles, je ne sais pas qui. Bon, non, là, c'est le... je n'ai pas parlé de marabout dans la famille. C'est la... Ça, c'est la soeur Francine qui parle ou bien qui C'est Francine qui parle là. Oui. Je n'ai pas parlé de marabout. Il dit cette femme-ci, elle a le. Vous vous rappelez, c'est un peu. Vous savez, quand quelqu'un marche, bavarde seul. Comme quelqu'un qui n'est pas normal. Je ne sais pas si vous comprenez. Cette femme-ci a des allures de quelqu'un qui est, je peux dire, zinzin. C'est pour ça qu'il dit, permettez-moi l'expression, je ne sais pas comment mettre ceci. Mais c'est comme une maman normale, mais qui. Voilà, c'est ça. Donc, pas marabout, c'est pas les dévoyances dont il est question. C'est ça, c'est une attaque du cerveau. Et ça pousse cette personne à dérégler ou à déraisonner momentanément de temps à autre. Ma grande soeur est folle, quoi. Mmh. J'ai une grande soeur qui est folle. Bonne soirée. Que le Seigneur vous bénisse. Alors là, c'est le nom, on va traiter ces traits caractéristiques particulièrement dans ta famille, parce que c'est terrible dans la famille, ça là. Bonne nuit, je vous aime, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Restons focalisés sur la direction de la prière, restons focalisés, mais par la grâce de Dieu, je m'arrangerai à ce que ce dimanche on se rencontre. Ne vous inquiétez pas, quel qu'en soit l'heure, je vais vous rencontrer ce dimanche, plaise au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Salut, Papa. D'accord. Salut, nous la fait grâce. Oui, après que vous ayez pris tout son temps, non? Alors, tu continues à te fortifier. Amen. Bonne nuit, frères et sœurs. Bonne nuit. Et bonne nuit, mes bien-aimés. Bonne nuit. Oh.